Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Pièce justificative, pièce D. Commission de commandant en la Nouvelle-France par M. le comte de Soissons, lieutenant général aux 10 pays en faveur du sieur de Champlain, du 15e octobre 1612. Charles de Bourbon, comte de Soissons, père et grand maître de France, gouverneur pour le roi, SPI de Normandie et Dauphiné, et son lieutenant général au pays de la Nouvelle-France, à tous ceux qui se présentent lettres verront, salut. Savoir, faisons à tous, qu'il appartiendra que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne du sieur Samuel de Champlain, capitaine ordinaire pour le roi en la marine, et de ses sens, suffisance, pratique et expérience au fait de la marine, et bonne diligence, connaissance qu'il a aux 10 pays pour les diverses navigations, voyages et fréquentations qu'il y a fait, et en autres lieux circonvoisins dissolus, et celui sieur de Champlain, pour ses causes et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons par ses présentes, notre lieutenant, pour représenter notre personne ou du pays de la Nouvelle-France. Et pour cet effet, lui avons ordonné d'aller loger avec tous ses gens au lieu appelé Québec, étant dedans le fleuve Saint-Laurent, autrement appelé la Grande Rivière du Canada, aux 10 pays de la Nouvelle-France, et aux 10 lieux et autres endroits que le dit sieur de Champlain avisera bon être, y faire construire et bâtir tel autre fort et forteresse qu'il lui sera besoin et nécessaire pour sa conservation et de ses 10 gens, lequel fort ou fort nous gardera à son pouvoir, pour aux 10 lieux de Québec et autres endroits en l'étendue de notre pouvoir, étant et si ayant que faire se pourra, établir, étendre, et faire connaître le nom, puissance et autorité de Sa Majesté, et à Isselle assujettir, soumettre et faire obéir tous les peuples de la dite terre et les circonvoisins d'Isselle, et par le moyen de ceux et de toute autre voie licite, les appeler, faire instruire, provoquer et mouvoir à la connaissance et service de Dieu et à la lumière de la foi et religion catholique, apostolique et romaine, là, y établir et en l'exercice et profession d'Isselle maintenir, garder et conserver les 10 lieux sous l'obéissance et autorité de sa dite majesté. Et pour y avoir égard et vaquer avec plus d'assurance, nous avons, en vertu de notre dit pouvoir, permis aux 10 sieurs de Champlain commettre, établir et constituer tel capitaine et lieutenant que besoin sera. Et pareillement commettre des officiers pour la distribution de la justice et entretien de la police, règlements et ordonnances, traités, contractés à même effet paix, alliances et confédérations, bonne amitié, correspondance et communication avec les 10 peuples et leurs princes ou autres ayant pouvoir et commandement sur eux, entretenir, garder et soigneusement conserver les traités et alliances dont il conviendra avec eux, pourvu qu'ils y satisfassent de leur part, et à ce défaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre à amener à telle raison qu'ils jugeront nécessaire pour l'honneur, obéissance et service de Dieu, et l'établissement, manutention et conservation de l'autorité de sa dite majesté parmi eux, du moins pour vivre, demeurer, hanter et fréquenter avec eux en toute assurance, liberté, fréquentation et communication, y négocier et trafiquer amiablement et paisiblement. Faire faire à cette fin les découvertures et reconnaissances des dites terres, et notamment depuis le dit lieu appelé Québec, jusque qu'il se pourra étendre au-dessus de celui, dedans les terres et rivières qui se déchargent dedans le dit fleuve Saint-Laurent, pour essayer de trouver le chemin facile pour aller, par dedans le dit pays, au pays de la Chine et Indes orientales, ou autrement, tant et si avant qu'il se pourra, le long des côtes et en la terre ferme. Faire soigneusement rechercher et reconnaître toutes sortes de mines d'or, d'argent et de cuivre et autres métaux et minéraux, les faire fouiller, tirer, purger et affiner, pour être convertis et en disposer selon et ainsi qu'il est prescrit par les édits et règlements de Sa Majesté, et ainsi que par nous sera ordonné. Et où le dit sieur de Champlain trouverait des Français et autres trafiquants, négociant et communiquant avec les sauvages et peuples étant depuis le dit lieu de Québec et au-dessus de celui comme dessus et dit, et qui nous ont été réservés par Sa Majesté, lui avons permis et permettons sans saisir et appréhender ensemble leurs vaisseaux, marchandises et tout ce qui se trouvera à eux appartenant, et isseux faire conduire et amener en France, est-ce havre de notre gouvernement de Normandie, est-ce main de la justice, pour être procédé contre eux selon leur rigueur des ordonnances royaux et de ce qui nous a été accordé par sa dite majesté. Et ce faisant, gérer, négocier et se comporter par le dit sieur de Champlain en la fonction de la dite charge de notre lieutenant pour tout ce qu'il jugera être à l'avancement des dites conquêtes et peuplements. Le tout pour le bien, service et autorité de sa dite majesté, avec même pouvoir, puissance et autorité que nous ferions si nous y étions en personne, et comme si le tout y était par exprès, et plus particulièrement spécifié et déclaré. Et outre tout ce que dessus, avons aux dix sieurs de Champlain permis et permettons d'associer et prendre avec lui telle personne et pour telle somme de deniers qu'il avisera bon être pour l'effet de notre entreprise, pour l'exécution de laquelle, même pour faire des embarquements et autres choses nécessaires à cet effet, qu'il fera est-ce ville et havre de Normandie et autres lieux où jugerait à être à propos, nous avons de tous donné et donnons par ses présentes toute charge, pouvoir, commission et mandement spécial. Et pour ce vous avons substitué et subrogé en notre lieu et place à la charge d'observer et faire observer par ceux qui seront sous votre charge et commandement tout ce que dessus et nous faire bon et fidèle rapport à toute occasion de tout ce qui aura été fait et exploité pour en rendre par nous compte raison à sa dite majesté. Si prions et requérons tout prince, potentat et seigneurs étrangers, leurs lieutenants généraux, amiraux, gouverneurs de leur province, chefs et conducteurs de leurs gens de guerre, tant par mer que par terre, capitaines de leurs villes et forts maritimes, ports, côtes, havres et détroits, donnés aux dix sieurs de Champlain, pour l'entier effet et exécution de ses présentes, tout support, secours, assistance, retraite, main forte, faveur et aide, si besoin en a, et en ce qu'ils pourront être par lui requis. En témoin de ce, nous avons ces dites présentes signées de notre main, fait contresigner par l'un de nos secrétaires ordinaires, et à Issel, fait mettre et apposer le cachet de nos armes. À Paris, le 15e jour d'octobre, 1612. Signé Charles de Bourbon. Et sur le repli, par Monseigneur le Comte, signé Bresson. Pièce justificative, pièce E. Lettre patente de Louis XIII en faveur de l'établissement des religieux récollets dans la Nouvelle-France. Louis. Par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes lettres verront, salut. Les feux rois, nos prédécesseurs se sont acquis le titre et qualité des très chrétiens en procurant l'exaltation de la sainte foi catholique, apostolique et romaine et en la défendant de toute oppression, maintenant les ecclésiastiques en leurs droits et recevant en leur royaume tous les ordres de religieux qui, avec une pureté de vie, se mettoient à enseigner les peuples et les endoctriner tant de vive voix que par exemple. Il soit ainsi que nous soyons remplis d'un extrême désir de nous maintenir et conserver le dit titre des très chrétiens comme le riche fleuron de notre couronne et avec lequel nous espérons que toutes nos actions prospéreront, voulant non seulement imiter en tout ce qui nous sera possible nos dits prédécesseurs, mais même le surpasser en désir d'établir la dite foi catholique et y celle faire annoncer Esther lointaine, barbares et étrangères, où le Saint-Nom de Dieu n'est point évoqué. Notre cher et dévot orateur, le père provincial de la province de Saint-Denis en France, des religieux de Saint-François de l'étroite observance, vulgairement appelé Récollet, ce soit ci-devant et en secondant nos désirs, offert d'envoyer SPI de Canada, des religieux du dit ordre, pour y prêcher le Saint-Évangile et amener à la Sainte Foi les âmes des habitants du dit pays, qui sont errantes et vagabondes dans leurs fantaisies, n'ayant aucune connaissance du vrai Dieu, et à cet effet, y en ayant envoyé nombre, leur labeur, par la grâce de Dieu, n'aura point été inutile. Au contraire, quelqu'un des 10 habitants de Canada, reconnaissant leur vieille erreur, ont embrassé avec ardeur la sainte foi et ont reçu le saint baptême, nouvelle qui nous a été agréable, aucune qui nous peut arriver. Il ne reste à présent qu'à affirmer ce qui a été commencé par les 10 religieux, ce qui ne peut mieux être qu'en permettant aux 10 religieux de continuer ensemble, de s'habituer aux 10 pays et bâtir autant de couvents qu'ils jugeront être nécessaires selon les temps et lieux. Tous lesquels couvents, monastères et religieux seront sous l'obédience du dispaire provincial de la province de Saint-Denis en France et non d'autres, et ce pour empêcher toute confusion qui pourrait survenir si chaque religieux à son premier mouvement se portait de passer aux 10 pays de Canada, à quoi désirons remédier pour l'avenir. Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées par notre main, notre intention et volonté être que le père provincial de la dite province de Saint-Denis en France seul puisse, il lui soit loisible d'envoyer aux 10 pays de Canada autant de ces religieux récollets nous avons permis et permettons pour ces dites présentes de soit habitués aux 10 pays de Canada et y faire construire et bâtir un ou plusieurs couvents et monastères selon et ainsi qu'ils jugeront être à faire et auquel pays de Canada aucun autre religieux récollet ne pourront aller, si ce n'est par l'obédience qui leur sera donnée par le dit provincial de la dite province de Saint-Denis en France, et ce, afin d'éviter toute dissension qui pourrait survenir, faisant défense à tous les maîtres des ports et havres de permettre qu'aucun religieux de l'ordre de Saint-François s'embarque pour passer et aller aux 10 pays de Canada, sinon sous l'obédience du dit provincial et de celui qu'il commettra pour supérieur. Et en témoignant plus particulièrement notre affection envers les 10 religieux, nous avons et ceux, ensemble leur couvent et monastère, pris en notre protection et sauvegarde. Si donnons le mandement à notre très cher et aimé cousin, le sieur de Montmorency, amiral de France, ou ses lieutenants, sur tous les ports et havres de ces tuis notre royaume, et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, que le contenu ci-dessus, ils aient à faire garder et observer de point en point, selon la forme et teneur, et faire publier ces présentes par tous les ports et havres et lieux de leur juridiction, sans permettre qu'il y soit contrevenu. Mandons en outre à notre vice-roi de Canada, ses lieutenants ou autres, nos officiers des lieux, qu'ils aient à maintenir les 10 religieux récollets de la petite province de Saint-Denis en France aux 10 pays, sans qu'ils y en puissent recevoir aucun qui n'ait l'obédience du dit provincial de la province de France, tenant au surplus la main à l'exécution de notre volonté, nonobstant quelconque lettre à ce contraire, auquel nous avons dérogé, et dérogeons par ces dites présentes. Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre sel à ces dites présentes. Donnez. Pièce justificative, pièce F. Bref apostolique, permettant aux Récollets d'ouvrir une mission dans la Nouvelle-France. Guy de Bantibol. Par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique archevêque de Rhodes, de la part de notre Saint-Père le Pape, Paul V et très chrétien roi de France et de Navarre, Louis XIII, nonce apostolique, etc., et spécialement choisi, commis et député de par notre Saint-Père Paul V pour juge ou commissaire en ces quartiers. À notre bien-aimé, le vénérable Père Joseph Le Caron, prêtre, religieux, procès récollet de l'Ordre de Saint-François, province de Paris ou Saint-Denis, et à tous autres pères et frères récollets, procès du dit Ordre de Saint-François, constitués en l'Ordre sacré de la prêtrise et confesseurs approuvés par l'ordinaire, lesquels sont sur le point de recevoir mission et obédience de leur père provincial pour s'acheminer avec vous en quelques contrées des païens et infidèles pour moyenner leur conversion à la vraie foi et religion catholique, ou que vous pouvez prendre avec la permission et licence du susdit père provincial, salut et sincère dilection en notre Seigneur. Vous pourrez savoir qu'autrefois, le révérendissime archevêque comte de Lyon, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne vers notre Saint-Père, ayant requis le Saint-Siège apostolique et supplié Sa Sainteté que sous le bon plaisir de sa dite sainteté et avec les conditions aussi des sous-écrites, il fut loisible au révérend père provincial des religieux récollets du sudit ordre Saint-François d'envoyer quelques religieux du même ordre et de sa province de Saint-Denis en France, lesquels fussent suffisants et idoines pour prêcher et étendre la foi catholique dans les terres et régions infidèles, et d'autant que cette œuvre est toile de foi méritoire et qu'il avoit plu à sa dite sainteté de nous donner plein pouvoir de concéder les moyens compétents et nécessaires pour l'exécution de tout ce que déçus par les causes et raisons sussent allégués par autorité et commission apostolique, nous avons donné et accordé, donnons et accordons à votre révérend père provincial et à vous qui avez été nommé, choisi et député par lui, les facultés et privilèges suivants desquels vous pourrez vous servir et prévaloir au cas que dans ces lieux il ne se trouve personne qui en ait de semblable et dont le temps ne soit encore expiré, et pour le temps seulement que vous, frère Joseph Caron et vos associés, demeurerez dans ce pays de païens et infidèles. Et sont les susdits privilèges de la teneur, vertu et pouvoir qui s'ensuit, savoir est de recevoir tous les enfants nés de parents fidèles et infidèles, et tous autres de quelque condition qui soit, lesquels, après avoir promis de garder et observer tout ce qui doit être gardé et observé par les fidèles, voudront embrasser la vérité de la foi chrétienne et catholique, de baptiser même hors les églises en cas de nécessité, d'entendre les confessions des pénitents, et y celles diligemment entendues, après leur avoir imposé une pénitence salutaire selon leurs fautes, et enjoint ce qui doit être enjoint en conscience, les délier et absoudre de toute sentence d'excommunication et autres censures ecclésiastiques, comme aussi de toutes sortes de crimes, excès de délits, même des réservés au siège apostolique et de ceux qui sont contenus dans les lettres lesquelles ont accoutumé d'être lus le jour du Jeudi Saint, d'administrer les sacrements de Eucharistie, mariage et extrême-onction, de bénir toutes sortes de parements, vases et ornements où l'onction sacrée n'est pas nécessaire, de dispenser gratuitement les nouveaux convertis qui auraient contracté ou voudraient contracter mariage en quelque degré de consanguinité et affinité que ce soit, sauf au premier et second, ou entre ascendants et descendants, pourvu que les femmes n'ayant point été ravies, que les deux parties qui auront contracté ou voudront contracter soient catholiques, et qu'il y ait juste cause tant pour les mariages déjà contractés que pour ceux que l'on désire contracter, déclarer et prononcer les enfants nés et issus de tels mariages légitimes. D'avoir un autel que vous puissiez porter avec bienséance, et serait celui célébré est-ce lieu décent et honnête où la commodité des églises vous manquera. En foi et témoignage de tout ce qui est dessus, nous avons commandé les présentes lettres souscrites et sous-signées de notre main, être faites, signées et scellées de notre sceau par nos aimés Louis Savanatius, notre auditeur et docteur en l'un et l'autre droit, et Messire Thomas Gallo, clerc à Paris, licencié S-droit, canon et civil, notaire public et juré tant de l'autorité apostolique que de la vénérable cour épiscopale de Paris, et suivant l'édit du roi décrit et immatriculé S-registre de l'évêché et cour de parlement de Paris, demeurant au dit Paris, rue Neuve Notre-Dame, et notre notaire en ce quartier. Donné à Paris, l'an de notre Seigneur 1618, le 20e du mois de mars. Ainsi signé, grand archevêque de Rhodes, nonce apostolique et plus bas, par commandement du saisi illustrissime et révérendissime Seigneur, nonce apostolique et commissaire délégué, Thomas Gallo, notoire public comme dessus, et Louis Savanatius, auditeur. Les éditions de l'Avenir vous sont présentées les pièces justificatives D.A.F. de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives et est une production 2011 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.